Ravi de vous retrouver et encore plus parce que je sais que vous êtes à l'écoute encore plus nombreux qu'avant en cette fin de saison, puisque fin juin on fera une petite pause de 2 mois avant de revenir pour la 38e saison de la saga des Femmes Fortes. Vous imaginez, au mois de septembre, 38 ans, ça ne me rajeunit pas. Mais bon, on viendra avec un grand, grand plaisir. L'album de la semaine, c'est l'album Rock'n'Roll. Autant vous dire que ça va être quand même furieusement Rock'n'Roll aujourd'hui dans la saga des Femmes Fortes. Mais il n'y aura pas que ça. On va écouter d'abord le medley Rip It Up, Ready Teddy. Il y aura également Ain't That a Shame, You Can't Catch Me, Slipping and Sliding. Encore un medley, Bring It On Home to Me, Send Me Some Loving. Sweet Little 16 sera l'avant-dernier et le dernier sera Just Because, avec même le Just Because reprise. C'est du John Lennon, hein, je ne sais plus si je vous l'ai dit. C'était en 1975, ce fantastique album s'appelle Rock'n'Roll. Il y aura également du McCartney, des Traveling Wilburys, il y en aura au moins un, et des Ringo Starr. Traveling Wilburys, bien sûr, c'est George Harrison et ses copains. Et du Ringo Starr et des Beatles. Pour McCartney, ce sera Fabulous. Alors j'allais dire la face B, ça n'existe plus la face B, mais sur le single sorti en 1999, No Other Baby. No Other Baby étant sur l'album Run David, David Run. Devil, pas David. Pourquoi j'ai David dans la tête? Run Devil Run. Bon, les Traveling Wilburys nous chanteront If You Belong to Me sur l'album Traveling Wilburys Volume 3, sorti en 1990. Et on a presque le même titre. Ringo Starr nous chantera You Belong to Me, mais ça n'a aucun rapport avec la chanson précédente sur le très bon album Stop and Smell the Roses. Quant aux Beatles, on commencera avec Revolution. Ce sera bien aussi. Voilà, on se retrouve dans le groupe Facebook La Saga des Fab Four. Et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Si vous êtes en train de manger, bon appétit. Et à tout de suite. On commence tout de suite avec de quoi propulser les tables et danser. Rip It Up, Ready Teddy, John Lennon, comme on l'aime, Rock'n'Roller. Bonne soirée à vous. Well, it's Saturday night and I just got paid. Touch. Fabulous. If this is love, well, it's fabulous. If this is love, it's fabulous. John Lennon, auparavant, et Paul McCartney, à l'instant, rockers tous les deux. Les deux approches sont différentes pour ces deux albums rock'n'roll. Le premier rock'n'roll de John Lennon, c'est parce qu'il a eu une accusation de plagiat sur une suite d'accords blues et le vers « Here comes flat top, he come » sur « You can catch me » de Chuck Berry dans la chanson des Beatles « Come together ». Lennon est poursuivi en justice par Maurice Levy, qui détient les droits de cette chanson. Et un arrangement hors cours est négocié qui contraint Lennon à enregistrer 3 chansons pour son prochain album, dont les droits d'auteur qui reviendraient à Levy, ce qui lui permettrait de toucher des revenus importants. Donc, Lennon a choisi de faire contre mauvaise fortune bon cœur et enregistrer 7 chansons pour un album entier. Sauf que ça a pris du temps, ça a commencé fin 73, début 74, et puis ça a traîné jusqu'à finalement sortir en 75. Pour McCartney, c'est à la suite de la perte de Linda qu'il décide de se recentrer en refaisant ce qu'il aime, le rock de sa jeunesse. Et il nous sort Run, Devil, Run, dans laquelle il reprend non pas des chansons connues, comme l'a fait Lennon, mais des chansons plutôt des faces B ou des chansons relativement inconnues. Et c'est pour le plus grand plaisir, tous les deux sont de très très bons rockers. Les Wildberries sur la région. Waltzing around the room tonight in someone else's clothes. You're always coming out of things, smelling like a rose. You hang your head and your heart is filled with so much misery. You'd be happy as you could be if you belonged to me. You say let's go to the rodeo and see some cowboy fall. Sometimes it seems to me you've got no sympathy at all. Keep on going on and on about how you're so free. You'd be happy as you could be if you belonged to me. Figured out how long you had to live. You could feel like a baby again, sitting on your daddy's knee. Oh, how happy you would be if you belonged to me. Takes from you, goes straight up his nose. You look so sad, you're going so mad, any fool can see. But you be happy as you could be if you belong to me. You be happy as you could be if you belong to me. Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne et Tom Petty sur cet album qui s'appelle le volume 3, alors qu'il n'y a pas eu de volume 2, puisqu'ils ont été affectés par la mort de Roy Orbison en 1988 et... humour anglais, allez savoir pourquoi, ils étaient en train de préparer le 2, ils ont décidé que ce serait le 3 et non pas le 2. C'est comme ça. Nous avons écouté John Lennon avec Rip It Up, Ready Teddy, McCartney avec Fabulous, les Traveling Wilburys avec You Belong To Me. Ah oui, il nous manque encore Ringo Starr, mais où l'est passé Ringo? Je ne l'ai pas dans la programmation. On va arranger ça très très vite. Eh oui, je ne l'ai pas. Bon, alors, je vous propose, on passe le jingle pour bien comprendre tout ce qui se passe avec les Beatles et notamment le Lovely Rita. Et pendant ce temps-là, je vous cherche You Belong To Me de Ringo Starr. Et c'est du direct et c'est en plus une petite radio locale. Donc vous me permettrez de temps en temps, et surtout en fin d'année, d'être un petit peu fatigué. Voici la façon de tout savoir sur les Beatles, c'est de cliquer sur BeatlesMagazineUK.com. Écoutez, qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur BeatlesMagazineUK.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur BeatlesMagazineUK.com. 24h sur 24, 7 jours sur 7, même 8 jours, 8 days a week. C'est la saga des Fab Four et chose promise, chose due, voici Ringo Starr. See the pyramids across the Nile. See the sunrise on a tropic isle. Just remember, darling, all the while. You belong to me. See the jungle when it's wet with rain. See the ocean from a silver plain. Just remember till you're home again, you belong to me. I'd be so alone without you. Darling, you'll be lonesome too and blue. See the marketplace in old Algiers. Send me photographs and Fabulous Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. I take two. Okay. Evolution. Revolution 1 que vous pouvez retrouver sur la ressortie en 2018 de l'album blanc des Beatles, avec un son absolument extraordinaire, comme si ça avait été enregistré la veille, ou allez, il y a un mois maximum. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Rock and Roll de John Lennon. Voici un nouvel extrait. Ain't That a Shame. McCartney aussi l'avait repris, cette chanson. You made me cry when you said goodbye. My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. You broke my heart when you said. There's a whole lot of love. 1989, George Harrison sortait un best-of de ses années Dark Horse Years entre 1976 et 89. Et sur cet album-là, il y avait au moins deux inédits, Paul Little Girl et Cocomami Business, que vous venez d'entendre. En tout cas, la première, Paul Little Girl, à l'instant sur RIG, dans la saga des Fab Four. Est-ce que je crois que depuis le début, j'ai oublié de vous dire que c'était la saga des Fab Four numéro 499 et que donc, la semaine prochaine, un roulement de tambour, la 500e la semaine prochaine, grâce à Eric de Johnny de A à Z qui me cède son temps d'émission, la saga des Fab Four durera 4 heures. Et pendant 4 heures, ce sera John, Paul, Ringo et George, ici, sur cette antenne, sur www.rgfm.fr, sur 90.7 si vous êtes dans la région bordelaise. Et ce sera très très bien, je l'espère. Voici les Beatles tout de suite, et après, on aura une petite dédicace. You came to me one summer night, and from your beam you made my dream, and from the world you sent my girl, and from above you sent us love. We love you, Mr. Moonlight. Mr. Moonlight, come again, please. Here I am on my knees, begging if you please. And the nights you don't come my way, I pray and pray more each day. We love you, Mr. Moonlight. And the nights that don't come my way, oh, I pray and pray more each day. We love you, Mr. Moonlight. Mr. Moonlight, come again, please. Here I am on my knees, begging if you please. And the nights you don't come my way, oh, I pray and pray more each day. Cause we love you, Mr. Moonlight, Mr. Moonlight, Mr. Moonlight, Mr. Moonlight. Quelles harmonies vocales à l'époque. J'ai failli vendre la mèche à une chanson près. Je voulais vous dire que aujourd'hui, c'est un jour spécial puisque c'est la réouverture des restaurants. Et il y a un restaurant sur Bordeaux, en tout cas un seul, qui diffuse la saga des Fab Four en direct chaque mercredi pendant sa soirée, c'est le restaurant Twist & Crepe. Le restaurant qui est à Talence et qui a un thème Beatles. Et vous regardez autour de vous, tout est Beatles, y compris la musique et y compris la gentillesse qu'ils ont de diffuser la saga des Fab Four dans leur restaurant. Ils viennent de reprendre et j'espère que tout se passe bien pour eux. Je voulais remercier de vive voix, c'était le sujet de la dédicace, King Fabrice, Queen Diane, dont c'est la fête aujourd'hui, Lovely Madeleine et Shaking Agathe, elle comprendra pourquoi, pour tout ce qu'ils font, parce que c'est vraiment du super bon boulot. Merci à vous, merci aux gens qui sont en train de manger dans ce restaurant-là. Et pour eux, je dédicace cette chanson, Twist & Crepe, Twist & Shout. You look so good, I'm so good, you know. George Harrison aussi est un rocker. Ils avaient chanté Glad All Over avec les Beatles. Mais là, c'est en 1986 sur l'album de Carl Perkins qui figure dans cette chanson-là. Vous l'entendez rire à la fin. Et c'était Glad All Over. Je vous propose de revenir à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Rock and Roll de John Lennon en 1975. Voici un nouvel extrait, You Can't Catch Me, sur RIG. You can't catch me. George, George Harrison sur l'album All Things Must Pass, qui devrait sortir sous plein de formats. Il y a d'abord une box avec une multitude de CD, de DVD, de bouquins également, mais qui va coûter une fortune. Il y aura le pack 3 CD, c'est celui probablement que je vais acheter. Il y aura un pass 2 CD, un Deluxe Super Deluxe 8 vinyles, également un 5 vinyles, et puis l'édition limitée avec 3 vinyles. Vous achèterez celui que vous voulez, en tout cas dans la saga des Fab Four. On entendra cet album dès qu'il sortira. Alors, d'après Maca Club, qui est partenaire de la saga des Fab Four, c'est bientôt, ce serait début août qu'on devrait avoir ce fantastique album qu'on attend depuis un moment. Vous savez, c'est l'album débarrassé de la production de Phil Spector. Il paraît que sur la fin de sa vie, George Harrison a eu envie de vous proposer ça. Alors, un petit peu en retard, puisqu'ils disent que c'est pour célébrer les 50 ans. Or, on en est à 51 ans. Mais c'est pas grave, on va dire que la Covid nous a embêtés un petit peu. Et puis, ça va être très très bien de toute façon. Il y en a eu un extrait déjà, que je vous ai proposé dans la saga. Et on le réécoutera de toute façon, en temps et en heure, dès qu'il sera possible. J'espère que vous allez très bien. Si vous découvrez la saga des Fab Four, oups, j'ai donné un coup dans le micro. Si vous découvrez la saga des Fab Four, sachez que cette émission existe depuis 1984. Et donc, c'est tous les mercredis ici, sur www.rigfm.fr, pour ceux qui le captent sur Bordeaux et partout ailleurs dans le monde, parce qu'on est capté à Rio de Janeiro, par exemple. Salut à Rita, qui nous écoute de Rio de Janeiro. On est capté au Japon, je ne me souviens plus du nom de ce gars qui ne parle qu'anglais avec moi parce que mon japonais est assez faible, et il y en a partout, et y compris bien entendu en France, en Belgique et ailleurs. Les Beatles, maintenant sur RIG, c'est Sgt Pepper par 3 fois, c'est l'album Sgt Pepper, Lonely Hearts Club Band, d'abord Sgt Pepper With a Little Help, et puis il y aura When I'm 64 dans la saga. What do I do when my love is away?

On revient à l'album de la semaine, si vous le voulez bien. Et de toute façon, sachez que je suis le grand maître ici. C'est moi qui programme. Donc, vous êtes obligé de subir l'album de la semaine. Et je pense que vous n'avez aucun mal à le faire parce que c'est furieusement rock'n'roll et on aime beaucoup ça. Si vous connaissez la vidéo de Slippin' and Sliding, il faut la voir, c'est assez sympa. C'est John Lennon en studio d'enregistrement, mais il fait des mimiques, il s'amuse un petit peu. Et surtout, quelle voix, comme dirait l'autre. Slippin' and Sliding. Montez le son, vous êtes sur RG. Arrivons déjà à la cover de la saga des Fab Four. Qu'est-ce que la cover ? C'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo, George, que ce soit avec les Beatles ou en solo, même si eux-mêmes reprenaient à l'époque une chanson de quelqu'un. Et comme par exemple Elvis, qu'on va écouter dans quelques instants. On va écouter It's Now or Never par Elvis, et un peu plus tard, il y aura la version de It's Now or Never par Paul McCartney. Mais oui, et donc la cover, inutile de le dire, vous avez compris, c'est quelqu'un de bien connu. Voici Elvis par deux fois, s'il vous plaît, vous comprendrez après. Your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's just like a willow

Rien, et là c'est furieusement rock. Il n'y a pas de contestation possible. Paul McCartney est un rocker. Lui aussi, John Lennon sur RIG. L'album de la semaine, Rock and Roll. Change your mind. Yeah. en 1966 sur l'album Revolver. C'est la chanson She Said, She Said. En 1965, lorsque leur tournée américaine les emmena en Californie, les Beatles louèrent une villa au 2850 Benedict Canyon pour une semaine et jouèrent à Portland, à San Diego, au Hollywood Bowl et à San Francisco. Un après-midi, ils y organisèrent une grande fête à laquelle se joignirent entre autres Nella Spilal, Roger McGuinn, David Crosby des Byrds, l'acteur Peter Fonda et le correspondant du Daily Mirror, Don Short. Nella Spilal avait été chargée de m'escorter vers la salle du billard au rez-de-chaussée, se souvient Don Short, parce que j'étais le seul journaliste présent et il voulait détourner mon attention du fait que les autres étaient en train de prendre un acide. À l'étage, tout le monde, sauf Paul, était effectivement en plein trip. C'est la première fois que John et George prenaient délibérément du LSD, faut pas, hein. Et ils étaient impatients d'en connaître les plaisirs après les terribles visions de leur première expérience involontaire. Peter Fonda était un habitué et faisait le guide. Et il dit, je sais ce que ça fait de l'impression d'être mourir. J'essaie de traduire en même temps, c'est dingue. Donc John Lennon, ça lui a suffi pour monter une chanson à partir de là. Et c'était plutôt très très très très très bien. Voilà ce qu'on pouvait dire dessus. Cette chanson fut composée en deux temps, mais Peter Fonda n'a aucun doute sur son origine. Lorsque j'ai entendu Revolver pour la première fois, j'ai tout de suite su d'où cette chanson venait, même si John ne l'a jamais admis devant moi et bien que je n'en ai jamais parlé à personne. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson. On revient à Ringo. Ringo, la semaine dernière, je voulais vous passer Drift Away parce que Eric, mon pote qui fait Johnny de A à Z, avait passé la version de Johnny, il me semble, de Drift Away. Mais l'album de la semaine ne correspondait pas. Donc je l'ai réservé pour cette semaine-ci. Voici Drift Away par Ringo sur l'album Vertical Man. Faut pas oublier que Ringo, même limité par sa voix, est un excellent interprète. Day after day, I'm more confused. But I look for the light through the pouring rain. You know that's a game that I hate to lose. I'm feeling the strain. Ain't it a shame? Give me the beat, boys, to free my soul. I wanna get lost in your rock and roll. Free my soul, I wanna get lost in your rock and roll and drift away. I'm beginning to think that I'm wasting time, and I don't understand the things I do. Yeah, the world outside looks so unkind. Now it's up to you to carry me through. Give me the beat, boys, to free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Give me the beat, boys, to free my soul. I wanna get lost in your rock and roll. My mind is free. You know the melody. double that. Avec Alanis Morissette en plus en 1998 sur cet album Vertical Man que je vous conseille. Allez, deux Beatles à la suite et pas des mauvais. falloir qu'on se dépêche, sinon on sera jamais à l'heure pour Johnny de A à Z. On risquerait d'avoir, allez, 2 minutes de retard. C'était l'avant-dernier extrait de l'album de la semaine. L'album de la semaine étant Rock'n'Roll de John Lennon en 1975. Ringo Starr aussi sait être rocker. La preuve. Choose Love sur l'album du même nom. Choose Love. En 2005, Ringo Starr se bonifie avec le temps. Il est très très bon. Choose love. Choose love. Love, love, love, love, love, love, love, love.

John Lennon a été sage, je lui ai dit, si on passe Just Because, on va déborder de 10 minutes. Il m'a dit, bon écoute, c'était pas prévu, donc on le passerait une autre fois. Voici She Said Yeah par Larry Williams, et ensuite la même version mais beaucoup plus rock'n'roll. Alors vous allez me dire, tu sais pas ce que tu veux Thierry, mais si je ne passe pas Just Because de John Lennon, je vais finir 2 minutes en avance. Ça n'est pas possible. Alors voici Just Because. Ah, remember this? Why? I must have been 13 when this came out. Or was it 14? Or was it 22? Could have been 12, right? Just because you lived and said goodbye, do you think that I will still cry? quelques instants, ce sera Eric et Johnny de A à Z. Maurice Chevalier lui avait dit, lorsque tu veux chanter en public, tu soignes ton entrée, tu soignes ta sortie, et entre les deux, tu chantes. Je sais au moins de soigner la sortie. Voici le dernier disque de la saga. Gageons qu'il va soigner son entrée. Ça va être Eric pour Johnny de A à Z. Merci à toutes et à tous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la 500e saga sur RIG 90.7. Cette saga 500e sera diffusée pendant toute la soirée dans Twist and Crepe à Talence. Merci à vous tous et toutes. Et à très bientôt. Ciao.